un million de questions, mais toujours aucune réponse. J'essaie de me faire une raison, en attendant tu rentres à la maison. Je vois bien que t'as perdu patience, dans tes yeux je ne vois même plus la passion. Il m'a valu un temps de réaction, pour capter que tu ne reviens plus à la maison. J'ai mis du temps pour comprendre tous tes mots, maintenant que j'ai saisi je sais que tout est mort. Mais si c'est juste pour la leçon, crois-moi si je dis que j'ai compris la leçon. Je veux pas que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais. Laisse-moi t'expliquer avant de dire je m'en vais. Une journée sans ton affection, pour moi c'est plus long que les quatre saisons. Christina. Tu joues là, tu veux pas discuter. Comment t'arrives à zapper toutes ces années? Fais pas comme si rien n'était arrivé. Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis toujours là, tu peux pas m'oublier. Avec moi, pas besoin de bouclier. J'ai mis du temps pour capter tous tes mots. Maintenant que j'ai saisi, je sais que tout est mort. Mais si c'est juste pour la leçon, crois-moi si je te dis que j'ai compris la leçon. Je veux pas que tu penses que je suis quelqu'un de mauvais. Écoute-moi avant de me dire je m'en vais. Une journée sans ton affection, pour moi c'est plus long que les quatre saisons. Et j'ai besoin de toi, besoin de te voir. Oh ma maman Christina. Toutes ces fois où j'ai laissé parler mon